Fracture. Ma jambe gauche est cassée. Du moins je le crois, car mon pied part de lui-même sur le côté. La douleur est de moins en moins tolérable. N'ayant pas dormi de la nuit, je m'arrache à grand-peine de ma couche pour me traîner jusqu'à l'atelier, où je me confectionne une attelle avec deux planches et du scotch solide. Il devient évident que je dois voir un médecin, et que je suis dans l'impossibilité totale de me transporter jusqu'à la ville. Je retourne la chose dans tous les sens, mais elle retombe toujours du côté beurre. Je dois aller au plus près, au plus pressé. Je dois parler à des gens. Par bonheur, la douleur physique réussit à atténuer mon malaise social. J'arrive en respirant bouche largement ouverte devant la porte de mon plus proche voisin. Mon doigt, en sueur, se fige devant le bouton de la sonnette, tremble un instant, se retire, puis va rejoindre ses congénères repliés pour former un point timide, qui frappe finalement à la porte blanche de style américain de Monsieur et Madame Berger. J'entends les coups résonner à l'intérieur, puis des voix, suivies de bruits de pas. C'est Monsieur qui vient m'ouvrir. L'arrondi de ses yeux, surmonté de l'arc de cercle de ses sourcils, m'apprend ce dont je me doutais déjà. Il est surpris et agacé. Il me lance d'un ton neutre, sur la défensive. « Tiens, bonjour. » « Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je me suis fait mal à la jambe en bricolant dans le jardin. Et comme votre dame était infirmière, je crois, je me disais que... » Après avoir jeté un coup d'œil courroucé sur ma jambe, Monsieur Berger se retourne pour articuler d'un ton là vers l'intérieur de la maison. « Flo, il y a quelqu'un qui veut te voir. »« Qui ?»« Le voisin. »« Lequel ?»« Celui qui a le coq. » articule-t-il clairement en me fixant du coin de l'œil. « Ah, Miloche, qu'est-ce qu'il veut ?»« Viens, je te dis. » Je me rends bien compte que je ne suis pas complètement désiré, mais après tout, c'est ma faute. Quand on s'obstine avec rigueur à ne pas vouloir fréquenter des gens qui vous y invitent, ils finissent par vous mépriser, c'est de l'ordre du réflexe. Le seul ennui quand on cultive sa solitude, et j'ai la main verte, c'est qu'on ne sait jamais vers qui se tourner en cas de pépin. Madame Berger débouche dans le couloir en peignoir, serviette nouée sur la tête, pantoufle aux pieds, l'air et l'accoutrement de celle qu'on a dérangée. Là, c'est sûr, je ne suis pas désiré. C'est pourquoi ? Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, mais en bricolant dans le jardin... Je finis mon explication en pointant un doigt sur ma jambe. En apercevant mon pied gauche qui semble amorcer un tour sur lui-même, elle pousse un cri effrayé. Oh ! « Mon pauvre monsieur, mais votre jambe est cassée. Vous devez souffrir le martyr. C'est-à-dire... »« Ne bougez pas !» Madame Berger disparaît en glissant dans le couloir, suivie par deux pères d'yeux. Après un grand bruit de portes qui s'ouvrent et d'affaires qui dégringolent, elle revient avec un fauteuil roulant qu'elle déplie sous mes yeux. « C'était le fauteuil de mon pauvre papa. Asseyez-vous. »« Eh bien, Jean-Luc, à deux nous. » Monsieur Berger, avec une mauvaise grâce presque surjouée, agrippe mollement les poignets du fauteuil pendant que sa femme m'aide à m'asseoir. Je sue à grosses gouttes. Elle installe ma jambe blessée sur un support qu'elle déploie avec dextérité, me tend un verre d'eau et un cachet qu'elle m'enjoint d'avaler, puis, le téléphone à l'oreille, demande une ambulance sans me consulter le moins du monde. Sur mes protestations un peu cotonneuses, elle me lance. « Mais enfin, monsieur, votre jambe est cassée. Votre fémur est fracturé, en deux parties, ou plus. » Vous vous rendez compte ? Fémur ? Fracturé ? Toute discussion semblant stérile, je demande à m'éclipser une minute pour aller fermer ma porte. Je décline la proposition de Madame Berger de me pousser jusqu'à chez moi, et je roule avec une précaution maladroite sur les quelques mètres qui me séparent de ma maison. Je me rends dans le salon, jetant par la fenêtre de grosses poignées de graines aux poules, avant de tout refermer avec soin, non sans avoir emporté mon roman et ma brosse à dents. On ne sait jamais. Je verrouille la porte d'entrée au son d'une sirène qui se rapproche. Ils sont rapides. Quelques instants plus tard, deux malabars vêtus d'uniforme du SAMU descendent d'un camion blanc frappé des mêmes initiales. Après avoir déployé un brancard qu'ils dressent sur ses pieds, ils s'approchent de moi, en sourire. Quelques questions-réponses plus tard, soulevées par leurs bras puissants, j'atterris en douceur, en position allongée. Des sangles immobilisent ma jambe blessée, et le brancard et moi-même nous élevons dans les airs. Me voilà dans le camion blanc. Je salue avec effusion Madame Berger qui m'a accompagné, ne cessant de serrer nerveusement ses mains l'une dans l'autre, puis je la vois disparaître derrière les portes de l'ambulance qu'un des deux infirmiers a fermées. Il s'installe avec moi à l'arrière. Je lève la tête pour apercevoir ma maison qui me fait « au revoir » en s'éloignant. Elle a l'air triste, avec ses deux grands yeux au volet fermé. Reposant la tête sur mon oreiller, la jambe immobilisée, je ne ressens plus qu'une douleur diffuse. Je suis content qu'on s'occupe de moi, ça me rappelle quand j'étais petit. Ça m'est arrivé parfois. Les vitres dépolies me proposent un paysage aseptisé à dominante blanche. L'infirmier s'est plongé dans la lecture d'un roman qui paraît si fragile entre ses gros doigts. Il me regarde un instant, me sourit. À défaut d'autre chose, j'ai envie de parler littérature et, cherchant une formule ni trop directe, ni trop naïve, ni trop intrusive pour aborder le sujet, je me fais rattraper par le sommeil que j'ai un peu boudé cette nuit. Je m'endors comme un bébé. Je me réveille dans les bras de mes deux papas qui déchargent mon brancard dans l'entrée de l'hôpital Saint-Bonaventure. Je ne décrirai pas le reste de mon séjour car là n'est pas mon propos. Sachant simplement que l'infirmière qui a pris des clichés de ma jambe était très agréable à voir et que je n'ai pas pu articuler un seul mot cohérent en sa présence. Que le médecin qui m'a diagnostiqué une fracture du fémur avait un très grand nez, très droit, très romain et des questions insistantes. Vous ne voulez vraiment pas me dire comment vous avez fait ça? Que l'anesthésie est quelque chose de stupéfiant tant on est sceptique devant l'endormissement qu'elle est censée entraîner. Que j'ai maintenant des plaques en métal à l'intérieur de la jambe pour maintenir mon fémur en place. Que la nourriture de l'hôpital ne vaut que par la gentillesse du personnel qui l'amène, et que j'ai passé, après bien des protestations inutiles, mes 3 premières nuits à l'hôpital, loin de mes marbres, de mes vélos, de mes poules, de mes livres et de mes courgettes. Quand je me retrouve 4 jours plus tard sur le pas de ma porte, les bras prolongés de cannes anglaises, une grande cicatrice en travers de la cuisse, j'ai la vague impression d'avoir rêvé tout ça. Mais la douleur est bien réelle en cas de faux mouvement. Interdiction de poser le moindre orteil sur le plancher des poules, m'a-t-on dit les yeux dans les yeux, avant 3 mois. 90 jours? Il me faut à tout prix trouver une feinte pour travailler le marbre dans cette position inconfortable. Vais-je toujours savoir faire du vélo dans 3 mois? Serais-je en mesure de m'occuper de mes poules et de mes légumes en équilibre? S'il vient à pleuvoir, vais-je être obligé de rester cloîtré, incapable de tenir sur mes béquilles au milieu d'un terrain détrempé, meuble et glissant? Une foule de questions m'assaille. Je n'avais jamais envisagé de traverser la vie chargée d'un handicap. Ça vous tombe dessus d'un coup, sans crier gare. C'est terrible. Mon infirmité n'étant par bonheur que temporaire, je m'en réjouis. Enfin, une pensée positive. Épuisé par ces stimuli inédits, par ces questions inhabituelles autant que par les nuits à l'hôpital, je me couche comme je peux. Quelques pages d'un roman d'anticipation passionnant m'aident à oublier mon imprécision du lendemain. La nuit porte conseil, dit-on. Le clic que produit la pression de mon doigt sur l'interrupteur me plonge dans le noir et va me permettre de vérifier l'adage.